l'enlève, on l'attrape par la queue, on la montre à ces messieurs nous disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, picotille et picota, tour à petit tour et puis s'en va. Trois petits cochons pendus au plafond, on leur retire la queue, ils nous pondent des œufs. Combien voulez-vous? Un, deux, trois ou quatre? Mais comme le roi et la reine ne veulent pas, ne sera pas toi. Ça ne sera pas toi.